Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous favori. On va débuter par la découverte. J'ai choisi un groupe peu connu pour le coup. The System, avec son « I wanna make you feel good », va vraiment, mais alors vraiment, vous faire vous sentir bien. Le groupe a été fondé en 1982 à New York. Il se caractérise par un son très identifiable. Électronique et froid, mais néanmoins funky grâce au groove particulier composé par David Frank et grâce à la voix de Mike Murphy. Parmi les morceaux marquants de The System, retenons « I wanna make you feel good » et le hit « You are in my system » paru en 1983, qui sera notamment repris par Robert Palmer. L'autre morceau sera diffusé dans un prochain maxi, c'est promis, on démarre très très fort. Just got it was your magic that knocked me to my knees. I'm just satisfied, don't need. Allez, on enchaîne sur les 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, George Michael et son Outside. J'ai déjà passé quelques titres de Wham qui, même si ce n'est pas du disco ni du funk, collent assez bien avec notre émission. Puis j'aime beaucoup Wham. Le 19 octobre 1998 sort Outside, une chanson qui parle de la liberté sexuelle et qui tourne en dérision l'épisode qui a valu à George de faire la une de la presse People suite à ses frasques dans les toilettes publiques. Il chante qu'il est lassé du sofa, du hall ou de la table de la cuisine et propose à son partenaire d'aller faire l'amour dehors, sous le soleil, en prenant un retour à la nature humaine, back to human nature, et clamant son insatiable envie de sexe. Il choisit une esthétique purement disco, musique symbolique de la communauté gay. Alors, la composition est solide et le refrain est accrocheur. George joue sur l'intensité et l'émotion en chantant dans les trois registres, bas, médium et aigu, selon les moments. Le groove est du pur disco funk avec ce qu'il faut de synthétiseurs et des vocodeurs pour donner une touche électro. Les arrangements de violon rappellent ceux de Chic, surtout au moment où il joue une citation de « I want your love » dans le clip qui accompagne le single. George Michael s'amuse des clichés et produit l'un de ses plus gros hits. Lorsqu'il joue ce titre dans son concert live on the BBC, l'arrangement est plus soul et acoustique. Dans toute la production disco, celui calibré pour le dance floor est assurément une très très belle chanson. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. On passe à la reprise. Un bon vieux titre des années 60, repris fin 70. On Broadway est d'abord enregistré en 1962 par le groupe The Cookies, puis c'est un autre groupe, The Drifter, qui lui donne véritablement ses lettres de noblesse. Une décennie plus tard, en 1978, la version smooth jazz de George Benson, extrait de son album live Weekend in LA, rencontre le succès. Alors, ça sera 7e dans le Billboard US, sur 100. Elle figure sur la bande originale du film de Bob Fosse que le spectacle commence, All That Jazz. C'est du George Benson, donc c'est du tout bon, quoi. Allez, on y va. We'll be right back. Sky, vous connaissez ? On va s'écouter un morceau, du coup, un maxi morceau même, Sky Zoo. Ça va être extrait de l'album Skyway, sorti en 1980. Le titre, il vient atteindre la 32e place du top R&B aux USA. Bon, alors c'est sûr qu'il est moins connu que First Time Around ou Call Me, mais il vaut quand même le détour. Alors, pour info, juste pour vous, Sky existe toujours de nos jours, même s'ils sont moins actifs. Alors, je vais vous laisser juger sur le morceau. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On arrive doucement mais sûrement à la pépite. Un petit retour vers les Commodores aujourd'hui. Je vous ai choisi le titre Easy, extrait de l'album Commodore, paru en 1977. La chanson est écrite et composée par Lionel Richie. Elle sera numéro 1 au classement R&B et top 4 au Billboard US. C'est une ballade qui parle d'une rupture amoureuse bien vécue par le narrateur. Pour l'anecdote, Lionel Richie a déclaré en 2009 que ce qui l'avait inspiré pour exprimer ses sentiments de tranquillité était son expérience d'avoir vécu dans une petite ville comme Tuskegee, où le samedi soir, après 22h30, la ville est morte. Les fêtes jusqu'à 4h du matin n'existent pas. C'est parti! Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and a bottle. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah, I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know. très très sympa ce morceau. Je vous ai vu vous embrasser, hein, n'y croyez pas que je ne vois pas tout ça. Alors c'est le moment de se quitter, je vais vous dire bonne soirée, bonne semaine et à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.